40 ans, mon premier contact avec le continent américain fut ponctué par un événement impressionnant, une grande manifestation indienne. En ce jour de mai 1982, en partance pour les terres inuites des Esquimaux centraux, se déroulait une grande manifestation revendicative de la Confédération des Blackfoot et avec elle les Bloods, les Siksikas, mais aussi la tribu Akenawa, comme peut-être celle des Cris. J'en suis resté là, sans découvrir d'autres peuples qui avaient pourtant bercé nos enfances, Apaches comme en Cheyenne, Cherokee, Iroquois ou Navarro, avant d'y revenir enfin ce soir autour d'une de ses plus grandes nations, les Sioux. Il est conservateur en chef au Musée d'archéologie nationale, incontournable spécialiste des Celtes. Mais une fois encore, Laurent Olivier nous déroute pour mieux nous surprendre. En cela, c'est lui l'Indien en embuscade qui nous propose ce soir un livre enquête, non pas sur les Celtes gaulois, mais sur les Sioux Lakota. Laurent Olivier, bonsoir. Bonsoir Vincent. Publié chez Flammarion, « Ce qui est arrivé à Wooden Knee » est un livre de 517 pages, intégralement consacré à un acte génocidaire, une tragédie qui signe non seulement le dernier massacre des Indiens, mais avec lui la fin d'un monde, celui de l'Empire Sioux. Avec le massacre de Wooden Knee en 1890, nous voici donc à la croisée de l'histoire, mais aussi de la mémoire, sur un sujet brûlant, pour preuve les deux mois de siège du FBI en 1973. À la croisée aussi de l'archéologie, puisqu'elle pourrait établir la vérité du passé, devenant ainsi un outil de justice. Laurent Olivier, Wooden Knee, Gergovie, Little Bighorn, Alésia sont des noms qui claquent à nos mémoires. Mais pourquoi hier les Celtes, aujourd'hui les Sioux? C'est un peu le même genre d'histoire. Ce sont deux groupes des peuples qui ont connu chacun une expansion extraordinaire. Puis ensuite, le vent a tourné, ils se sont trouvés dans une position défensive devant défendre leur territoire contre une invasion étrangère d'une puissance infiniment supérieure en nombre et en technologie. Puis ils ont été vaincus, ils ont été conquis, ils ont commencé à perdre leurs institutions, leur religion, leur culture et pour finir leur langue. Et finalement, c'est il y a une phrase je trouve extraordinaire de la philosophe Simone Veil qui à propos de l'histoire dit l'histoire officielle c'est croire sur parole les tueurs, les meurtriers. Et oui, on a cru sur parole les Romains et on croit sur parole les Américains, les Indiens comme les Gaulois étaient destinés à s'effacer devant le progrès, devant la civilisation. Finalement, des biens européens circulaient déjà avant l'invasion américaine ou avant la conquête romaine. Aujourd'hui, les Indiens vivent en Amérique, parlent anglais, ont encore leurs traditions, comme les Gaulois, peut-on entendre parfois, ont maintenu leur culture gallo-romaine. Dans l'un et l'autre cas, c'est une certaine vision colonialiste de l'histoire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir sur place ce qu'en pensent les colonisés, les conquis. On peut plus savoir pour les Gaulois, mais on peut le savoir pour les Sioux. Alors, à chaque fois, il y a des moments de grande gloire, dirais-je. On a, bien sûr, Gergovie. Il y a aussi Little Bighorn. Little Bighorn, c'est la victoire la plus éclatante des Sioux et alliée aux Cheyennes. Et c'est la défaite la plus cuisante de l'armée américaine. Une défaite, d'ailleurs, que l'armée américaine gardera longtemps en mémoire. Un vrai traumatisme. Oui. Laurent Olivier, vous parlez d'Empire Sioux. Vous n'exagérez pas un peu? C'est pas moi qui parle d'Empire Sioux. En fait, c'est un historien de l'histoire américaine qui s'appelle, il a un nom difficile à prononcer, il s'appelle P.K. Emma Leinen, professeur d'histoire américaine à l'université d'Oxford, et c'est lui qui a écrit ce bouquin formidable qui s'appelle The Middle Ground, qui montre une tentative de symbiose entre les Indiens et les Européens au tout début du 19e siècle. Et Emma Leinen attaque par une étude socio-économique qui n'avait jamais réellement été faite des communautés amérindiennes, en montrant que les Sioux, dont le territoire s'étendait sur à peu près 7 États actuels des États-Unis, c'est énorme, en fait, contrôlaient l'axe du Missouri, l'axe économique du Missouri, par lequel remontait, encore une fois, c'est une chose qu'on a tendance à oublier, l'Amérique était française, et donc l'Amérique était française depuis le Saint-Laurent jusqu'au golfe du Mexique, et les Sioux contrôlaient les biens européens qui remontaient le Missouri depuis Saint-Louis, et ils étaient une sorte de plaque tournante dans le commerce très florissant des fourrures. Alors ce qu'on découvre, c'est que les Français sont quasi omniprésents, ou du moins au travers du métissage. Alors ça, c'est une chose que j'ai découverte. Comme vous le savez, je suis pas un anthropologue des Indiens des Plaines et je n'ambitionne pas de le devenir. Mais en allant là-bas, ce que j'ai découvert, c'est cette histoire refoulée, oubliée de l'Amérique française et la permanence et la profondeur de la présence française. En fait, les Français n'ont pas cherché à coloniser l'Amérique du Nord. Il y avait seulement à peu près 3000 Français en Nouvelle-France au XVIIe siècle. C'est rien du tout. Mais ils ont cherché plutôt à établir des alliances de nation à nation avec les Amérindiens. Et la plupart des personnages qui intervenaient dans ce commerce des fourrures étaient ce qu'on appelait des voyageurs, les fameux coureurs des bois, des gens qui n'étaient pas des lettrés, qui préféraient la vie des bois, la vie de la chasse, et qui, à la fin d'une carrière harassante qui se terminait quand on avait à peu près 40 ans, on avait porté les peaux, on avait fait le voyage qui durait un an pour échanger les fourrures. Et à la fin de leur carrière, finalement, ils n'avaient jamais connu que leur partenaire amérindien, et c'est tout naturellement qu'ils se mariaient avec des femmes amérindiennes. Donc aujourd'hui, c'est très frappant, quand vous allez dans les réserves Sioux, il y a à peu près, je dirais, entre plus du quart, entre un quart et un tiers des noms qui sont des patronymes français. Des Buissonnettes, des Allard, etc. Et même encore des prénoms français, des Louis-Napoléon, des Ginette, des Marie. C'est tout à fait étonnant et émouvant, en fait. Le crépuscule des Sioux, c'est bien entendu Wooden Knee. Encore une fois, deux versions des faits s'affrontent. Regardons tout d'abord ce que nous disent les rapports de l'armée américaine. Alors, il faut peut-être, avant de se lancer là-dedans, présenter un petit peu le contexte de ce massacre. En fait, les Sioux, donc qui ont eu pendant longtemps une position dominante, sont dans les années 1890, on pourrait dire au bout du rouleau. Les bisons ont été complètement exterminés. Ils sont enfermés dans des réserves qui sont des camps de prisonniers à ciel ouvert, où finalement ils sont nourris de rations que leur distribue chichement le gouvernement américain en les réduisant d'année en année, en espérant les convertir par la force à l'agriculture. Et il y a une prise de conscience que c'est la fin, en fait, qu'il n'y a pas d'avenir. Et à ce moment-là, comme plusieurs fois c'est arrivé dans l'histoire amérindienne, il y a un mouvement messianique, c'est-à-dire qu'il y a un chaman qui apparaît quelque part, il a vu le Messie, alors là c'est tout à fait étonnant parce que le Messie, il a vu le Christ, et le Christ lui a dit « je me suis dévoué pour les Blancs, mais les Blancs m'ont crucifié, m'ont rejeté, maintenant je suis le Dieu de mes enfants indiens, au paradis je vous invite à visiter, vos parents sont en vie, il ne manque de rien, il y a plein de bisons, et les Blancs vont disparaître ». C'est les fameuses ghost dance. Voilà, c'est ça. Donc c'est la ghost dance, une danse fantôme. Collective, la danse des esprits, dans laquelle on danse jusqu'à tomber en transe, et en tombant en transe, on monte au ciel avec un aigle, et là on voit l'abondance du paradis. Les Américains craignent énormément ça. Et donc les Américains ont très très peur qu'en fait il y ait à nouveau une fédération de toutes les tribus amérindiennes qui se fédèrent militairement et qui les repousse. En fait, ils projettent leur vision exterminatrice des Indiens sur les Amérindiens eux-mêmes en leur prêtant l'intention de les repousser tous à la mer. En tout cas, les Américains, donc l'armée américaine, regroupe une tribu à Wooden Knee. Donc l'armée américaine cible les meneurs, on cible le paisible Sitting Bull, qui est assassiné dans des conditions extrêmement troubles. Le 15 décembre. Oui, et puis celui qui suit derrière dans la liste, c'est un grand négociateur que les Américains appellent Bigfoot, les Sioux Spotted Elk. Et il a prévu de faire une mission de paix dans la réserve de Pine Ridge, qui se trouve à 250 kilomètres de l'endroit où il se trouve. Et ils sont arraisonnés par l'armée américaine. qui a pour ambition de les désarmer, désarmer les hommes, et d'emporter tout le groupe, il y a à peu près 400 personnes, dont des vieillards, des femmes, des enfants, des nouveau-nés, en déportation. Donc de les emmener jusqu'à la gare de train pour les déporter à Fort Omaha, à environ 650 kilomètres de là. Ça se passe pas comme ça en tout cas. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler une bavure ou un accident. C'est-à-dire qu'au moment du désarmement, les guerriers ne comprennent pas pourquoi au moment du départ, parce qu'on leur a pas dit évidemment qu'on va les emmener en déportation, on les laisse croire qu'ils vont aller à Pine Ridge aux escortes militaires. Et au moment du départ, les militaires demandent à réunir les guerriers pour les désarmer. Et les guerriers comprennent pas très bien pourquoi on veut subitement s'emparer de leurs fusils alors qu'ils ont dit que eux, ils iraient à Pine Ridge et si les Américains voulaient leurs fusils, ils le livreraient là-bas. Et au moment du désarmement, un coup de feu est tiré, semble-t-il du côté indien. On ne sait pas quelle est l'origine de ce coup de feu. Est-ce que c'est un accident, un quiproquo ou quoi que ce soit? Et à ce moment-là, l'armée qui les entoure et qui est composée essentiellement de novices, en fait, instinctivement tire sur les guerriers qui sont assis en cercle autour d'eux et qui leur tournent le dos. Hein. Et puis, dans le campement à côté, les femmes et les enfants sont pris de panique, fuient en courant. Et à ce moment-là, les batteries d'artillerie légère ouvrent le feu sur le campement et font des ravages. Au canon. Donc, et poursuivent les survivants pour les entasser dans un ravin. Et là, de chaque côté des rives du ravin, ils les massacrent systématiquement en poursuivant à cheval ceux qui ont réussi à échapper à la scène du massacre. On dit aussi que les Américains se seraient tirés dessus. Oui, alors il va y avoir une enquête interne de l'armée parce que en fait, à l'issue de cette opération qui se solde par la mort de plus de 350 Indiens, il y a tout de même une cinquantaine de victimes dans l'armée américaine, dont 30 morts. Et pour une opération qui était censée se dérouler comme sur des roulettes, il y a tout de même un problème. Et il va y avoir une enquête interne de l'armée qui va être diligentée pour savoir pourquoi il y a eu autant de morts. Alors la version de l'armée américaine, elle va être relativement ambiguë. Elle va être de dire, mais en fait, les Indiens, quand on les a isolés des femmes et des enfants, les guerriers cachaient des armes sous leur couverture, et quand on a essayé les désarmer, ils s'étaient visiblement donné le mot et ils ont ouvert le feu sur nous et on a été obligé de répliquer. Et donc c'est ainsi qu'on a tué on a tué les guerriers et surtout on a eu beaucoup de victimes chez nous. Et en fait, on a le témoignage du médecin chef de l'armée qui dit mais pas du tout, moi les blessures que j'ai pu observer, c'est des blessures qui sont faites par des armes de guerre américaines. Et en fait, étant donné la position des troupes qui entouraient le conseil des guerriers, les troupes étaient disposées, on dit, en caponnière dans le vocabulaire militaire, c'est-à-dire en forme de L, et en tirant presque à bout portant sur les Indiens, ils sont aussi tirés un petit peu les uns sur les autres. Quelle est la version indienne, s'il y en a une ? La version indienne, c'est de dire qu'en fait, ils ont été complètement surpris par le fait que les soldats leur ont tiré massivement ensemble sur eux. Et à ce moment-là, l'armée américaine utilise des munitions à base de poudre noire. Et donc, un épais nuage se forme à l'emplacement du conseil. Quelques-uns arrivent à s'échapper. Peut-être une vingtaine de survivants au minimum. Et à ce moment-là, l'armée américaine mène une contre-attaque pour les tuer tous. Les ordres reçus étaient très clairs. Les ordres reçus étaient de dire, s'ils résistent, détruisez-les. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent-Olivier Wudenny n'est pas un fait de guerre, c'est un acte génocidaire, une extermination. Alors, c'est le concept de génocide est à prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est un concept qui est un concept, je dirais, un peu bâtard dans la mesure où c'est à la fois un concept historique. Les génocides du XXe siècle et pas seulement le génocide juif, le génocide Khmer par exemple. Et c'est aussi une notion juridique. Et en fait. Moi j'ai beaucoup travaillé à partir des gens qui avaient étudié les génocides. Et en fait, fréquemment, le massacre arrive de manière, je dirais, un petit peu accidentelle. Et en fait, ce qui est important, c'est plutôt que le génocide, c'est ce qu'on appelle le processus génocidaire. C'est-à-dire que, en fait, tout ça est préparé de longue date, par une longue Ça n'est pas possible de tuer 300 personnes si ça n'est pas préparé du point de vue juridique. Et en fait, le massacre de Wounded Knee est préparé par la déshumanisation des Indiens. Ils ne sont pas des êtres humains comme les autres et ils ne méritent pas de vivre. Et à un moment, puisqu'ils manifestent une velléité de résistance, puisque le désarmement ne se passe pas comme convenu ou comme prévu, eh bien finalement, c'est assez naturel, pense-t-on, de les tuer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une véritable documentation existe sur ce massacre, notamment d'exceptionnels clichés qui sont bien entendu sur la page web de l'émission. L'exhibition des morts s'intègre à une démarche. Il s'agit de déposséder l'autre de sa mort, comme de priver les proches du deuil. Alors ça, c'est une chose qui n'a pas été très observée et qui est aussi intéressante du point de vue archéologique. Ce que soulignent tous les gens qui ont étudié les génocides, c'est que le génocide, le massacre génocidaire, il va jusqu'à la destruction radicale des restes humains, qu'on réduit, alors on le sait, en cendres, en engrais, et surtout, on mutile les corps. Et dans le cas de Wounded Knee, donc moi j'ai fait un travail de base qui est de recouper les différents témoignages, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a les gens de l'armée, mais il y a aussi des journalistes, embedded, on dirait aujourd'hui. Il y a des badauds qui sont venus assister à la reddition des Sioux. Il y a des voisins, il y a l'épicier du coin, Louis Mousseau, il est là. Et puis il y a le récit des survivants Sioux. Donc beaucoup de témoignages dont j'ai reconstitué, si vous voulez, le phasage, le déroulement extrêmement précis des événements. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un trou dans l'emploi du temps de l'armée. Il y a un trou d'environ 2h30. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. En réalité, ils ont pillé les corps. Ils ont d'abord achevé les blessés pour pas s'encombrer de prisonniers. Et puis ensuite, ils ont pillé les corps à la recherche de curiosités indiennes, de parures de plumes et de scalps. Alors bien sûr, le cliché du vieux chef Sioux Lakota, Bigfoot crispé dans la mort et dans la neige, est absolument terrible. Hein. C'est une photo absolument exceptionnelle. Dimanche 4 janvier 1890, on enterre 146 corps gelés dans une grande fosse commune. Certains seraient même éventuellement pas morts. Oui, c'est ce que disait Lakota. Certains étaient encore... Alors, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est une question d'archéologie militaire. C'est-à-dire que le massacre a lieu au mois de décembre et les corps restent pendant 6 jours. Sans soins, sans eau, sans nourriture sur place. Et on retrouvera des survivants. On retrouvera notamment, c'est absolument poignant, des petits enfants dont un petit bébé, voilà, qu'on appelle Lost Bird, Zingtala Nuni, qu'on retrouvera dans le cadavre gelé de sa mère. Et en fait, le froid cautérise les blessures. Lorsqu'on enterre les morts, certains sont pas complètement morts. Certains sont encore agonisants et sont jetés ainsi dans la fosse commune. Alors les soldats se lancent dans une véritable chasse aux trophées, notamment autour des Ghost Shets, ces fameuses chemises fantômes des Lakota qui devaient les protéger des balles. Oui, alors ce qui est tout à fait intéressant, il y a un personnage absolument sinistre qui s'appelle le capitaine Miller, qui en fait est un chasseur de reliques indiennes, et donc lui, il attend les Indiens avec un fusil, il les tue, et puis il les dépouille de leurs reliques. Et à Wounded Knee, c'est la même chose, c'est-à-dire que les reliques indiennes font l'objet d'un commerce, elles sont activement recherchées, et on cherche en particulier ces chemises de Ghost Dance pour les collectionner, et notamment en particulier celles qui auraient des impacts de balles ou du sang dessus. Donc il y a aussi, et là c'est tout à fait intéressant, une industrie des faux qui se crée, c'est-à-dire on crible de plomb de chasse ces Ghost Shirts, et puis ensuite on les trempe dans du sang de poulet et on peut les revendre beaucoup plus cher. Donc il y a une sorte de trafic de ces curiosités, et surtout un trafic de pièces corporelles. Vous avez parlé de Bigfoot, on lui prend non seulement ses ornements personnels, ses bracelets, son collier, ses mocassins, mais on coupe aussi ses nattes de cheveux. Qui sont à la Smithsonian. Oui, et il y aura à Washington une grande exposition quelques années plus tard, où le clou de l'exposition sera la momie d'un petit bébé momifié avec, dit la brochure publicitaire, tous ses organes magnifiquement préservés. Et ça, c'est une collection privée, c'est des collectionneurs qui sont venus piller les champs de bataille, entre guillemets. Dans votre enquête, vous êtes bien sûr rendu sur le terrain, car rien ne vaut le terrain. Comment se présente la réserve ? C'est perdu au milieu de nulle part. Alors, la chose extraordinaire, c'est que contrairement à tous les lieux de massacre ou de grands lieux d'affrontement amérindiens, c'est en territoire tribal, parce que l'armée est intervenue dans les réserves. Donc ça veut dire que les Sioux ont la main sur le site. Ce qui fait que ça a échappé aux tentatives, il y en a eu plusieurs, de transformer le lieu en un grand site touristique intercontinental. En fait, si vous allez à Wounded Knees, vous avez cette petite colline où se trouvaient les batteries de Hotchkiss qui ont tiré sur les gens. Vous avez un cimetière avec la grande fosse commune, avec une barrière métallique qui est absolument recouverte d'offrandes, de petits sachets de toile rouge. C'est encore visible. Oui, c'est encore visible. Oui, la fosse est encore visible. Et un petit cimetière s'est développé en périphérie. Le site est dans son jus, pourrait-on dire. Vous êtes bien sûr en lien avec les Sioux Lakota pour créer un programme archéologique. L'objet, découvrir tout ce qui n'aurait pas été vu. Ben, l'objet, il est, je dirais, extrêmement humble et modeste. Encore une fois, je prétends pas être un spécialiste des Sioux, mais au cours de ma carrière, j'ai développé une certaine expertise, j'ai pu bâtir un certain réseau, et on a donc des moyens techniques et scientifiques à notre disposition qu'on propose de mettre au service des Lakota. C'est à eux de s'emparer de leur mémoire et c'est à eux de s'emparer de cette enquête. Cette enquête, elle est absolument essentielle parce que il y a un détail dont on n'a pas parlé, mais ce massacre a été transformé en un événement héroïque pour le 7e régiment de cavalerie. Ils ont reçu pas moins de 20 médailles d'honneur, qui est la plus haute distinction militaire américaine. Il y avait à peu près 400 soldats américains. Par comparaison, le débarquement, le D-Day, il y a près de 60 000 soldats américains pour le débarquement de Normandie, qui ont seulement reçu au total 4 médailles d'honneur. Donc vous voyez la disproportion. Et donc il y a aujourd'hui une demande, et elle n'est pas nouvelle, elle est là depuis le début, qu'on annule ces médailles. Mais l'élection de Joe Biden, éventuellement, va changer les choses. Oui, parce qu'il a nommé comme secrétaire d'État à l'intérieur une Navarro, Deb Haaland, qui s'est associée justement à ce projet de loi qui s'appelle Remove the Stain, effacer la tache, qui vise à réévaluer l'attribution des médailles. Et donc, une étude de terrain, une intervention archéologique pourrait être un élément qui ferait sortir la vérité matérielle du sol en étudiant les balles et les projectiles qui ont été tirés à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi que les anthropologues n'ont jamais été très du côté indien, du moins aux États-Unis. Ça, c'est absolument frappant. C'est absolument frappant parce que, à l'inverse, les communautés Lakota n'ont cessé d'essayer d'obtenir des réparations du côté du gouvernement américain. Et les anthropologues n'ont jamais apporté leur concours dans cette tentative. Alors, ce qui est tout à fait intéressant aussi, si on regarde ça d'un point de vue extérieur, c'est que cette question-là, elle est d'une incessante actualité. Parce que, en fait, accorder des réparations à Lakota, ça sera accorder des réparations à des gens qui étaient sous statut de prisonniers de guerre. Donc, si on le fait... Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas le faire non plus pour les Allemands, pour les Vietnamiens, pour les Coréens, pour les Japonais, les Irakiens, bref, toutes les anciens ennemis de l'Amérique. Revenir sur les médailles d'honneur de l'armée, est-ce qu'il ne faut pas non plus réévaluer les médailles attribuées pendant la guerre du Vietnam, voire toutes les médailles attribuées pendant tous les conflits américains ? Ce qui fait que c'est une question parfaitement insoluble, en fait. Ce qui est aussi intéressant, c'est que à Wounded Knee, c'est bien sûr le 7e régiment de cavalerie, mais c'est le même qui a été massacré à Little Bighorn en 1876. On peut faire un lien ? Alors, il est tentant de faire un lien. J'ai regardé ça en détail. En fait, c'est un mélange. Il y a quelques anciens, quelques vétérans de Little Bighorn qui sont là. Ils sont une douzaine. Mais l'essentiel des troupes, ce sont des novices. D'ailleurs, beaucoup de gens sont d'origine allemande. Ce sont des immigrés de fraîche date. La langue anglaise n'est pas leur langue maternelle. Et puis surtout, ils manquent furieusement d'entraînement. Pour la plupart, ils n'ont jamais tiré au fusil. Ils n'ont jamais vu d'Indien. Dans votre enquête, Laurent Olivier, vous avez reconstitué des cartes pour comprendre les mouvements de panique des deux côtés. La position au sol des douilles, des plombs, de la mitraille aurait aussi donc beaucoup de sens pour, disons, reconstituer la scène de crime ? Alors ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait, notamment, je pense, à ce qui a été fait à Little Bighorn, justement, par les Américains. C'est-à-dire que les balles qui ont été tirées permettent de déterminer quels fusils ils ont tirés. Est-ce que c'est des fusils indiens ou est-ce que c'est des fusils réglementaires, des Springfield 73 de l'armée américaine. On peut savoir aussi quels sont les impacts qui étaient visés. Et notamment, ce qui est le plus important, c'est l'impact des billes de mitraille, des obus qui ont été tirés officiellement sur les postes de résistance, mais d'après les Lakota, qui ont été tirés indistinctement sur le campement et sur les animaux. Donc ça, il y a deux versions contradictoires. La version américaine dit on a dû se défendre parce qu'on était soumis à un feu massif des Lakota. Si c'est vrai, on doit trouver énormément de balles de Winchester à l'emplacement des deux escadrons qui encadraient le conseil. Les Américains ont dit on a tiré que sur des snipers. Si c'est vrai, les billes de plomb doivent se trouver des endroits très localisés. Donc une enquête de terrain permettrait de trancher cette controverse. Alors peut-on envisager bien sûr de fouiller la fameuse fosse et son charnier, puisqu'il s'agit bien sûr pas forcément d'une tombe, c'est un charnier. Et puis est-ce que l'on pourrait avoir autre chose, les chevaux, etc., etc. Alors les Lakota ne sont pas favorables, et je pense qu'ils ont parfaitement raison. C'est un lieu de mémoire et c'est un lieu de recueillement, cette fosse commune. En revanche, on a parlé tout à l'heure de ce fameux trou de 2h30 dans l'emploi du temps de l'armée. On sait qu'ils ont brûlé énormément de choses. On sait qu'ils sont revenus plusieurs jours après pour enterrer les corps. Ils ont tué à peu près quand même 150 poneys et un certain nombre de chevaux. Donc il y a aussi d'autres corps et tous les restes du campement qui ont visiblement été enterrés quelque part. Une dernière question. 3 à 4 générations nous séparent de ce drame. Chez les Sioux Lakota, le syndrome du survivant serait un marqueur très fort de génération en génération. Ce qu'il manque, ce sont des preuves matérielles qui permettraient d'enclencher le processus de guérison de l'âme, comme disent les Indiens. Oui, alors ce qui est très frappant quand vous allez là-bas, c'est que vous voyez qu'ils sont marqués par ce traumatisme. Les guerres indiennes ne sont pas terminées. Et non seulement il y a eu Wounded Knee et la disparition du bison, mais il y a aussi l'enlèvement des enfants pour les faire élever dans des familles blanches. Il y a eu aussi, on n'en parle pas, la stérilisation des femmes hein, quand elles accouchaient. Et puis on a eu aussi tous les mauvais traitements qui ont été infligés aux enfants dans les écoles religieuses, hein, dont des sévices sexuels, dont des mauvais traitements qui ont occasionné la mort des enfants. Et aujourd'hui encore, ça vient de sortir au Canada, hein, dans les territoires nord, on vient de trouver 250 corps à côté d'un pensionnat pour Indiens. Laurent Olivier, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Ce qui est arrivé à Wounded Knee, publié chez Flammarion. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique d'Ali Yaha, et bien sûr avec Sandrine Chaperon. La semaine prochaine, Jamais 203, nous serons en direct de Bordeaux et du British Museum pour un grand sujet autour du Jebel Sahaba au Soudan.